Le RS que c'est tout la Guinée pour le week-end. J'ai qu'à la kiffer, le cheval carré sur la pitette. Elle est tellement sexy, je me demande si c'est réel. J'ai tellement débit, elle se demande si c'est réel. Elle m'a dit oh na na na na na na na na na na na na na. Elle m'a dit oh na na na na na na na na na. Elle veut les ballons, la belle V, pour qu'elle ait plus envie. Et comme Biggie, c'est pas la purée que j'ai mis sous mon lit. C'est la zipette, coupée comme le Merco. Quelques sirènes, 237 voix de gauche. Elle aime mon style, ma vie de voyou. Un peu mignon, un peu dangereux, parfois jaloux. J'm'arrache en jet privé, j'décolle du Bourget. Des petits comme moi, chérie, j't'en ferai des douzaines. J'esquive le pH, j'prends des petites rues. 2 000 litres, dans le tableau de bord, j'ai l'habitude. Elle me dit non, non, non, non, non, non, non. Le RSQ, c'est tout la Guinée pour le week-end. J'ai qu'elle a kiffé le cheval carré sur la pitette. Elle est tellement sexy, j'me demande si c'est réel. J'ai tellement débit, elle se demande si c'est réel. Elle m'a dit oh, na, na, na, na, na, na, na. Appelle-moi quand t'es dans ma zone, zone. J'repense à toi quand j'fume le jaune, jaune. J'emmène sur la ligne, bébé, E.T. Pour le week-end, j'prends la Lamborghini. Fuck toutes les michetos qui me restent. Tu payes son Chanel tout en espèces. Elle paraît revient comme un frisbee. Elle revient comme Melovin. Pour toi j'arrête tout mon bébé, j'ai des sous de côté. Y'en a pas un qui va toucher car mon neuf est OP. Elle m'a dit oh na na na na na na na na. Le RSQ c'est tout la Guinée pour le week-end. J'ai qu'elle a kiffé le cheval carré sur la pitette. Elle est tellement sexy, j'me demande si c'est réel. J'ai tellement débit, elle se demande si c'est réel. Elle m'a dit oh na na na na na na na. Le cheval carré sur la pitette. Elle est tellement sexy, je me demande si c'est réel. J'ai tellement débit, elle se demande si c'est réel. Elle m'a dit oh na na na na na na na.